Qu'appelez-vous le nommé Steinbock ? S'écria railleusement Stidmann. Serait-ce par hasard un jeune Livonien que j'ai eu pour élève ? Apprenez, monsieur, que c'est un grand artiste. On dit que je me crois le diable. Eh bien, ce pauvre garçon ne sait pas, lui, qu'il peut devenir un dieu. Ah, quoique vous parliez bien cavalièrement à un homme qui a l'honneur d'être juge au tribunal de la Seine. Excusez, consul, répliqua Stidmann en se mettant le revers de la main au front. Je suis bien heureux de ce que vous venez de dire. Ainsi, ce jeune homme pourra gagner de l'argent. Certes, dit le vieux Chanor, mais il lui faut travailler. Il en aurait déjà bien amassé s'il était resté chez nous. Que voulez-vous ? Les artistes ont horreur de la dépendance. Ils ont conscience de leur valeur et de leur dignité, répondit Stidmann. Je ne blâme pas Wenceslas d'aller seul, de tâcher de se faire un nom et de devenir un grand homme, c'est son droit. Et j'ai cependant bien perdu quand il m'a quitté. Voilà, s'écria Rivet, voilà les prétentions des jeunes gens au sortir de leur œuf universitaire. Mais commencez donc par vous faire des rentes et cherchez la gloire après. On se gâte la main à ramasser des écus, répondit Stidmann. C'est à la gloire à nous apporter la fortune. Que voulez-vous ? Dit Chanor à Rivet. On ne peut pas les attacher. Ils mangeraient le licou, répliqua Stidmann. Tous ces messieurs, dit Chanor en regardant Stidmann, ont autant de fantaisie que de talent. Ils dépensent énormément, ils ont des lorettes, ils jettent l'argent par les fenêtres, ils ne trouvent plus le temps de faire leurs travaux, ils négligent alors leurs commandes. Nous allons chez les ouvriers qui ne les valent pas et qui s'enrichissent, puis ils se plaignent de la dureté des temps, tandis que, s'ils s'étaient appliqués, ils auraient des monts d'or. Vous me faites l'effet, vieux père Lumignon, dit Stidmann, de ce libraire avant la Révolution qui disait « Ah, si je pouvais tenir Montesquieu, Voltaire et Rousseau, bien gueux, dans la soupente, et regarder leurs culottes dans une commode, comme ils m'écriraient de bons petits livres avec lesquels je me ferais une fortune. Si l'on pouvait forger de belles œuvres comme des clous, les commissionnaires en feraient. Donnez-moi 1000 francs et taisez-vous. »